Voilà comment je vois ma société, nous sommes opprimés, déprimés, des zombies dans les taudis maudits. Là où les conditions de vie sont pires qu'en son prix. Le temps de se taire est fini. Révoltons-nous et Nico Sarkozy. Mais oui, l'ami, je dis que je riche, je pisse sur la BAC et leur mini. Je lui pisse à la mise, pour l'instant, je kiffe à leur justice. A ton avis, pourquoi mes frères disent bientôt tu verras le tisseur, c'est dit. C'est honorable, comment les gens survivent. C'est déplorable, comment les gens se chient. Moi, c'est crève, ça fait mal quand je sors le prolix. Voilà mon récit, je suis pas un poète, mais un mec t'as la saisie. Voilà comment je vois la société. Ouais ouais, je peux te dire ce qui se passe ici. Je suis de la classe moyenne, je ne comprends pas avec les chéris. Chérie, le shérif, moi aussi j'aimerais être calife à la place du calife. Mais pour l'instant je joue encore à PLS, à faire des califes. Mes frères balisent pour leur avenir, je le représente pour le monde. J'ai des trucs à dire, parce que le monde monte. Nique cette bombe, peu importe que je passe sur les ondes. C'est la bombe. Even now in heaven there were angels carrying. On en a marre de leurs zombies. Ouais. Paix à mes frères aux tamis. Ouais. Nique leur putain de society. Ouais. Voilà comment sont nos vies. Ouais. Une putain de course poursuite. Ouais. On se fait soulever par les chimiques. Ouais. Je prends le micro et je t'explique. Ouais. Voilà ma sauce, ici c'est la zermie. Ouais, on en a marre leurs zombies. Ouais, paix à mes frères aux armées. Nique leur putain de society. Ouais, voilà comment sont nos vies. Ouais, une putain de course poursuite. Ouais, on se fait soulever par les schmitts. Ouais, j'prends le micro et j't'explique. Ouais, voilà ma society. Ouais, ici c'est la zermie. J'explique maintenant, y'a plus que la vie qui compte. Vu qu'on peut compter sur quiconque. J'veux pas devenir quelqu'un de quelconque. Ma prochaine zik s'appellera règlement de compte. Parce que les jeunes sont jamais des cons. Je ne compte plus les cons. Dans ma société, les gars sont prêts à saigner pour avoir un billet. L'État l'a voulu, ils ont des idées trop farfelues. Ouais. C'était trap 92 mi fa 92 BMR Guys de Zo. Ouais. Masai. Fuck les attaques, nous on veut de la maille, c'est normal, on a trop la dalle. Ma société est en train de niquer. Si tu me comprends, faut niquer ce gouvernement. Ouais. FIFA 92. Mifa 92, Mifa 92, Mifa 92, Mifa 92, Mifa 92, Mifa 92, faut prendre l'État en partout.